Thank you. la misère. Avance la misère. Avance la misère. Avance la misère. La vie de Dieu tue nous. Avance la misère. La vie de Dieu fait ça. Avance la misère. Vite pour tu ou

Say, Même si on